Et nous retrouvons nos deux invités, Romain Henri Galibert et Zina Balmer. Vous présentez donc Urteil au contexte Silo à Renan depuis le 16 mars et jusqu'au 28 mars. C'est une pièce de théâtre que vous mettez en scène, vous, Romain, avec l'aide de Zina Balmer. Juste un mot sur le titre pour qu'on comprenne. Urteil, ça veut dire quoi? Ça veut dire jugement en allemand. C'est aussi le titre d'un livre qu'a écrit Franz Kafka et qui, pour moi, en fait, symbolise tout le côté ironique et décalé un petit peu de cette vision proposée, puisque c'est des textes qui parlent de situations passées, les années 70, la Seconde Guerre mondiale, et pourtant ça nous raconte aujourd'hui. Ces deux textes que vous avez choisi de mettre en scène sont signés de Dario Fo et Franck Aramé. C'est un couple italien très engagé. Dario Fo est écrivain, dramaturge, metteur en scène et sa femme peintre surtout. Peintre également effectivement, et sa femme Franck Aramé est comédienne, auteur de pièces de théâtre. Oui. Et puis tout d'un coup, ce sont véritablement des militants. Je ne sais pas s'ils sont encore actifs aujourd'hui sur la scène politique italienne, mais ils l'ont été. Ils ont beaucoup dénoncé, je crois, les agissements de Silvio Berlusconi. Cela dit, ce sont ils sont communistes. Hein. Ils s'en cachent pas, et c'est aussi pour ça que je les ai choisis, parce que on ne peut pas se mentir en écoutant ces textes, ils sont très clairement de gauche. Après, ce qui est intéressant justement, c'est de voir comment ils parlent de ces choses, puisque ces textes ont été écrits il y a 40 ans, et puis comment en fait on retrouve tout ce discours aujourd'hui dans les médias, dans les discussions, que ce soit autour des forums sociaux, quand il y a le G20, ou alors quand c'est tout simplement des manifestations dehors ou des revendications dans le journal, on retrouve textuellement cette présentation de la société et ces questions qui sont posées, puisque les deux femmes, les deux personnages de ces textes posent des questions. Un mot sur le destin de ces deux femmes. Il y a d'abord l'Allemande, Ulrike Marie Meinhof, qui est morte en 1976 suite à un suicide. Vous dites deux mots de son histoire. Oui, alors le propos n'est quand même pas de défendre la RAF, parce que la RAF apprenait la lutte armée. Dario Fo et Franck Aramé le précisent dans le prologue d'ailleurs de ce monologue-là. Ce qui était important pour eux, c'était de donner vraiment la voix qu'aurait mérité d'avoir Ulrike. Parce qu'il faut savoir que quand même Ulrike, elle a eu une vie bourgeoise très longtemps. Alors j'entends par bourgeoise à l'époque, alors que le mur de Berlin a été construit, donc elle vivait à Berlin, elle était journaliste, elle écrivait des sujets politiques, et en même temps elle était avec un homme, avec qui elle avait deux enfants, qui publiait ses articles dans des journaux de charme. Donc elle a voulu quitter tout ça parce que c'était plus en adéquation avec ce qu'elle avait envie de défendre. Et puis elle a atterri dans la RAF et puis elle a participé à la montée en violence. Pour le groupe Fraction Armée Rouge. Hein, voilà, qui a d'ailleurs commis pas mal d'attentats en Allemagne dans les années 60-70. Vraiment là, en l'occurrence, ce qui est important de souligner, c'est que le texte de Dario Fo et de Franck Aramé parle vraiment de cette vision éclairée qu'avait Ulrike de la société dans laquelle il vivait, c'est-à-dire d'une société déjà de consommation à outrance. Puisqu'il faut savoir que l'Allemagne a été reconstruite à la va-vite, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour parer en fait la montée du communisme à travers l'Europe, et donc l'Allemagne a été reconstruite entièrement par les États-Unis, et c'était beaucoup de couleurs, c'était de l'argent alors qu'il n'y avait plus d'argent, c'était de la nourriture alors qu'il n'y a plus de nourriture, c'était des loisirs, et en même temps pas d'exercice d'examen de conscience sur la Seconde Guerre mondiale. Cette femme va le payer très cher, son engagement. Oui. Je crois qu'elle va passer 8 ans en prison, elle va finir par se suicider. Ou être suicidée, on ne sait pas. Ou être suicidée, effectivement. Alors voilà pour le destin de Ulrike et Marie Meinhof. Qui est Annada Pacini? Quelle autre femme dont parle le texte de votre pièce? Alors, ce qui est bien aussi avec le choix de ces deux textes, c'est que Annada Pacini est une inconnue. Une illustre inconnue, comme il y en a eu tant pendant la Seconde Guerre mondiale. Je le confirme parce que j'ai fait une recherche tout à l'heure pour préparer l'émission C'est un nom de code en fait, puisque c'est son nom de résistante, Annada Pacini, puisque son vrai prénom, on l'apprend dans le texte, c'est Louisa. On ne connaîtra jamais son nom de famille. En fait, c'est un témoignage qui a été recueilli par Franca. Et je ne sais pas si elle l'a imaginé, parce que quand elle l'a écrite, deux années auparavant, elle s'était fait enlever par la police secrète italienne, passer à tabac, torturée et violée. Et ce texte parle de ça. Voilà. Outre le fait aussi que la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte, c'est que, d'une part, ça me rappelait les événements de Gênes et donc les séquestrations dans l'école pendant la nuit avec les manifestants, mais aussi qu'il y a tout ce discours sur qu'est-ce que ça veut dire, à un moment donné, de résister et de se dire « non, je ne suis pas d'accord avec ce que je vois », sinon d'avoir de l'espoir en un monde meilleur. Et puis c'est ce texte-là qui apporte ça. Vous êtes toujours très engagé dans votre travail, Romain Henri Galibert? Plus ou moins, je dirais que en fait, j'essaye de pas choisir de texte trop connoté toujours, mais il y a toujours une question de fond politique que j'ai envie de défendre parce que je pense que le théâtre, ça doit aussi à un moment donné poser les questions qui dérangent. Comment est-ce que vous avez travaillé à partir de ces textes pour les mettre en scène ? Donc aujourd'hui, pour qu'ils résonnent aujourd'hui, vous avez gommé par exemple des références historiques ? Oui, alors c'est un travail que j'ai commencé en 2005 puisque je l'ai commencé en Belgique, ce projet, et puis je l'ai repris en juin l'année dernière à l'Arsenic. C'était vraiment des étapes de réflexion, comment parler de ces textes pour dire qu'ils touchent les gens en parlant d'aujourd'hui. Parce que c'est ça, quand j'ai découvert ces textes, moi, ils me racontaient vraiment le monde dans lequel je vivais, dire post-2001, puisque c'est en 2005 que j'ai eu l'envie de ce projet, avec la montée de la sécurité, de la peur du terrorisme, etc., toutes ces choses-là. Et puis, en même temps, ces textes très connotés, à chaque fois que je les présentais, surtout pour Molry que je crie, j'avais des réactions très vives du public, que je comprends, qui me disaient, mais oui, mais c'était pas ça les années de plomb, c'était pas ça, faut quand même comprendre que c'était des terroristes. Et pour moi, ce qui était important, c'était pas du tout l'étiquette qu'avait Ulrike en tant qu'ancienne membre ou membre de la fraction Armée Rouge, mais plutôt ce qu'elle disait, ce que, en tant que femme, elle dénonçait dans ce texte et ce que Nada Pasny faisait. Donc on a gommé. Justement, pardonnez-moi de vous couper. Oui. Donnez-nous quelques exemples, hein, pour les gens qui n'ont pas lu le texte, de ce qu'elle dénonçait, des mots qui étaient utilisés, de ce qui vous touche, vous, particulièrement. Alors, par exemple, elle dénonce en fait le maquillage à outrance, les couleurs très vives, hein, les colorants qui donnent le cancer. Elle dénonce le fait aussi qu'on a tendance à se regarder comme si on était des êtres sous cellophane. Elle fait référence presque avant l'heure à la télé-réalité. Et puis, surtout, elle pointe du doigt le fait que les gens ne prennent pas parti, qu'on laisse les choses se faire tant que cela ne nous concerne pas directement. Elle parle des ouvriers, elle parle des femmes, des intellectuels, mais elle les cite tous individuellement. Et on est au post-68 et donc on prône la société individualiste et en même temps on oublie que il y a un intérêt général peut-être qui est peut-être plus important à un moment donné. Puis c'est en ça que ces textes sont vraiment rafraîchissants et pour moi à la fois effrayants. Et il n'y a pas d'équivalent selon vous aujourd'hui justement de ces textes engagés, actuels, qui pointent, je dirais, les dérives de nos sociétés ? Si, il y en a. C'est juste que, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que quand même, ils ont été écrits il y a 40 ans, par exemple, Empire d'Antonio Negri. Bon, alors là, je cite une référence qui est aussi clairement de gauche, mais juste pour dire que dans le discours qu'on a aujourd'hui dans l'altermondialisme et pour les gens de gauche, on s'aperçoit que 40 ans auparavant, deux intellectuels tout à fait clairs et posés dans leur temps et leur époque, en dénonçant juste ce qui leur arrivait à eux, nous annonçaient déjà à grand renfort de textes, de mots percutants, ce qui allait arriver. Et c'est ça qui m'a vraiment touché. On va dire un mot avec vous de la mise en scène avec vous, Zina Balmer, puisque vous assistez Romain Aurigalibert dans cette mise en scène de Hourtal, qui est donc à voir au Contexte Silo à Renan. Mais j'aimerais d'abord qu'on écoute un tout petit extrait musical de ce spectacle, puisqu'il a véritablement du sens. C'est une création musicale que vous avez commandée pour cette pièce. Elle est signée Nicolas Mounou. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à lui ? Ça fait 3 ans que je travaille avec Nicolas. Et en fait, Nicolas, donc, qui est de formation classique, donc, qui a une très grande connaissance de la musique classique, du solfège, qui joue très bien du piano d'ailleurs. Alors là, on n'est clairement pas dans du classique. Non, et en fait, c'est un compositeur, c'est un musicien d'électro-noise, de musique atonale. Et pour moi, cette musique, elle est vraiment, c'est aussi la concrétisation de la rencontre, en fait, sur ce projet. Puisqu'en fait, quand j'étais en Belgique, j'avais ces envies-là, puis pas les connaissances, pas les... pas les connexions. Puis en avant, ensuite, j'ai rencontré Nicolas. Et ce qui est bien avec cette musique, c'est que cette musique, elle est un peu en marge aussi, comme le discours de Nada et de Ulrich. C'est-à-dire que c'est une musique qui, pour l'instant, est fort critiquée, connotée, et puis qui peut inquiéter. Parce qu'elle peut, elle est souvent passée de manière très forte, mais en même temps, elle dénonce aussi quelque chose, le fait que ben, finalement, on retombe toujours dans les mêmes systèmes. La musique tonale, la musique comme on la connaît, comme on l'entend à la radio, ben, finalement, c'est des schémas qui se défont, se refont, et puis on est toujours dans un même système. Et puis là, l'idée, c'est de proposer quelque chose d'autre. Donc pour moi, c'était intéressant. En portant ces deux textes qui disaient, bah, nous, on aimerait une autre vision du monde, on espère autre chose, de proposer aussi avec la musique et l'univers sonore quelque chose d'autre. Zina Balmer, on ne vous a pas encore entendu jusqu'à maintenant. Vous assistez, Romain Aurigalibert, pour la mise en scène de Hurta. Alors justement, comment est-ce qu'on met en scène ce destin de femme? J'imagine que quand on est devant sa page blanche, comment vous êtes mis d'accord? Comment vous avez décidé de mettre en scène ces deux histoires? Bon, tout d'abord, comme Romain le disait, ça fait très longtemps qu'il travaille sur ses textes, donc il avait une idée assez claire de ce qu'il voulait faire. Maintenant, moi, ce que je peux dire, c'est que je remarque une difficulté à traiter des textes comme ça, c'est que, particulièrement Ulrich, est un texte qui est très engagé et et je pense qu'il faut faire attention à ne pas verser dans un discours donneur de leçons et qu'il faut laisser des ouvertures à un questionnement sur la légitimité du discours politique extrémiste et une intervention de la lutte armée. Donc je pense que ça, on l'a réussi parce qu'on a intégré des questionnements au personnage même d'Ulrich qui finalement se font à cette interrogation. Les deux pardonnez-moi de vous couper, les deux textes résonnent l'un envers l'autre, l'un avec l'autre. Oui et non. À la fois et pas du tout. Mais... Non, vas-y. Ben, par exemple, tout simplement parce que Ulrich dénonce vraiment la société dans laquelle elle vit et Nada vit plutôt les événements dans lesquels elle est. Et c'est comment sur le plateau et enfin donc sur scène pendant le projet entre les deux textes les comédiennes se croisent et font bouger le décor pour donner la parole à l'une ou à l'autre qu'elles tissent le lien en fait qui permet une connexion pour les deux. Vous avez opté pour quel type de décor justement? Vous les mettez en scène dans quel type de décor ces deux femmes, Zina Balmer? Disons, je pense que ce qui est intéressant à voir, c'est que Ulrich se trouve dans un enfermement physique entre des murs dans sa cellule. Elle est enfermée. Et qu'elle tourne comme un tigre en cage. Et donc, elle est dans un mouvement qui cherche les limites. Nada Pacini, elle, est dans un univers qu'on a ouvert. Et elle est plutôt enfermée dans un enfermement psychologique où elle ne bougera quasiment pas d'un endroit où elle est assise. Et finalement, on avait envie de faire ce travail un peu antagoniste entre ces deux textes. Mmh. Zina Balmer, on a bien entendu Romain-Henri Galibert dire à quel point ces textes l'habitent, le passionnent, lui parlent. C'est aussi des textes qui vous ont touché, vous, à titre personnel? Ce sont des textes que vous avez découverts? Moi, j'ai découvert ces textes. Pour moi, mon travail personnellement passe beaucoup plus par l'humour et par le décalage. Mais après, je respecte beaucoup un travail très engagé comme celui-ci. Et je tire mon chapeau parce que je trouve ça très, très difficile à faire passer, quoi. Je vous remercie en tout cas tous les deux d'être venus nous en parler ainsi assez longuement. Ça s'appelle donc Urteil, pièce que vous mettez en scène, Romain Aurigalibert avec l'aide de Zina Balmer. C'est au Contexte Silo. À Contexte Silo, mais vous arrêtez de me corriger, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous serez fouetté au sortir de l'émission. Et c'est donc à voir donc à Renan jusqu'au 28 mars. C'est bien juste. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été les invités d'Ardar. C'est ainsi que s'achève l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Janaïne Corbeau, Jean-Daniel Motet, Isabelle Carcelès et Marie-Pierre Jeune-Camp. Bel après-midi à tous.